Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Les valeurs d'inclusivité, de diversité percolent un peu partout dans la société. On voit les gouvernements, les partis politiques, les entreprises essaient d'atteindre une certaine parité homme-femme, d'inclure des personnes de minorités visibles. Certains essaient de faire une place aux personnes handicapées. On n'y est pas encore, mais au moins on en parle. On le voit aussi dans les publicités et pourtant, le marketing genré et sexualisé persiste. Alors, pour en parler, je suis heureuse de retrouver la sexologue Julie Rouleau. Bonjour Julie. Bonjour Valérie, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Tu sais, la pandémie nous a permis de poser un regard encore plus critique sur ce qu'on nous présente dans les médias, comme tu le disais, puis de plus en plus, on voit des points de vue variés sur une foule de sujets, parfois polarisants, parfois impliquant des poids lourds. Donc, passons sur ça aujourd'hui. Toutefois, en ce qui concerne les images genrées et des corps humains dans les médias, un grand courant rafraîchissant de diversité corporelle, d'âge, d'ethnicité souffle et fait du bien. La diversité est devenue un mot d'ordre lors des défilés, des lancements de produits cosmétiques, par exemple. Les créateurs sont louangés ou critiqués pour leurs efforts d'inclusion, qu'ils soient sexuels, corporels ou culturels. Cependant, Valérie, le marketing genré et sexualisé persiste. D'où vient-il et quel impact celui-ci a-t-il pu avoir sur nos vies et celles des plus jeunes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui puisque je vous propose une réflexion autour de la publicité genrée et sexualisée. Oui, c'est intéressant tout ça. Puis d'abord, en fait, est-ce qu'on sait d'où ça vient, cette distribution de couleurs par genre qui sont encore utilisées dans certaines stratégies marketing? On voit bien les petites filles en rose, les petits garçons en orange ou en bleu. Il y a une distribution comme ça dès la naissance pour les enfants. Mais quelle est l'origine de ce phénomène? Ben, c'est une bonne question, n'est-ce pas, de se demander. Donc, d'abord, demandons-nous d'où provient le marketing genré. Tu seras peut-être surprise, comme moi, Valérie, les couleurs roses et le bleu ont une histoire assez rocambolesque. Donc, il faut remonter à l'Antiquité grecque pour expliquer cette différenciation. À cette époque, imagine-toi donc, avoir un garçon plutôt qu'une fille était considéré comme une bénédiction des dieux. On attribuait alors la couleur bleue au nouveau-né, couleur du ciel, résidence des dieux. Puis, en Europe, au Moyen-Âge, tout change du tout au tout. On considère finalement le rose un rouge, donc on peut dire plutôt pastel, comme une couleur masculine, symbole de force et de virilité. La couleur bleue, elle, est plutôt attribuée aux filles car elle fait écho à la pureté de la Vierge Marie. Donc, on se rappelle ces petites statuettes religieuses bleu ciel. C'est vrai. Effectivement. Puis finalement, on se dit que le blanc pour les deux sexes, ben, c'est bien aussi. Donc ainsi, pendant un bon moment, les langes, culottes, bavoirs étaient blancs. Les enfants des deux sexes portaient des robes immaculées jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc seuls les volants, broderies et autres dentelles permettaient de distinguer les classes sociales. Je me rappelle d'ailleurs une photo de mon père avec une jolie robe blanche, Valérie. Mais encore une fois, ça n'a pas duré. Donc, on voit d'où vient un petit peu le rose et le bleu, et on voit que c'est drôle de voir que c'était inversé à une certaine période pendant le Moyen-Âge. Donc, il y a eu le blanc aussi pour les petits-enfants, mais maintenant, les couleurs rose et bleu sont revenues allègrement pour les petits-enfants. Donc, comment s'est fait ce retour du rose et du bleu? Bien, il semble, Valérie, qu'au 18e siècle, à Versailles, Madame de Pompadour elle-même remet le rose à l'ordre du jour, à tel point que toute la cour, petites filles comprises, doivent suivre le mouvement. Le rose, triomphant, est associé aux valeurs féminines de l'époque, beauté, douceur et fragilité. Ça vous dit quelque chose? Ouais. La suite, on la connaît un peu mieux. Selon la journaliste Mona Chollet, qui est aussi autrice de l'essai « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine », il faudra attendre le milieu des années 80 pour voir arriver la déferlante du rose girly. Donc, les stratégies marketing ciblant les enfants ont en effet trouvé leur recette clé, amplifier les différences d'âge et de sexe pour mieux les fixer. D'où la dichotomie là, Spider-Man et poupée LOL qu'on voit dans les allées des grandes surfaces. Ça a fonctionné, en tout cas, jusque dans les années 2000. Madame Chollet nous explique qu'en 2011, le conditionnement et la sexualisation précoce des petites filles ont fait grand remous dans les médias. Il y a une marque, Petit Bateau, par exemple, qui a commercialisé des cache-couches pour bébés, rose ou bleu. Et sur les roses, bon, on pouvait lire les mots jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante et belle. Donc, déjà pour des nouveaux-nés. Et sur les seconds, courageux, fort, fier, travaillant, robuste, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool. Mm-hmm. Donc, pour les petits garçons. Et on se rappelle peut-être ici au Québec en 2013, l'arrivée du premier concours de Mini Miss à Laval avait fait scandale chez les Québécois et a même été fait l'objet d'une pétition signée par le docteur Vadeboncœur, entre autres, et Léa Clermont-Dion, co-instigatrice de la Charte pour une image corporelle saine et diversifiée. Je te dis tout de suite, le concours a été annulé, Valérie. Mmh, effectivement. Donc, on a vu qu'il y a d'abord la couleur qui est arrivée et ensuite, on nous propose du contenu non seulement genré, mais sexualisé. Ben effectivement, c'est ce qu'on voit un peu avec ces cache-couches, déjà avec des colibets. Ce qu'on nommait auparavant hypersexualisation, puis maintenant, on l'identifie plus globalement comme la sexualisation de l'espace public. C'est un phénomène par lequel les médias, peu importe leur forme, donnent un caractère plutôt sexuel à un produit ou à des comportements qui n'ont rien de sexuel. Il se manifeste dans les médias sociaux, magazines, vidéoclips, les films, les petits clips TikTok, les publicités Instagram, l'industrie de la mode et surtout dans la publicité. Donc, en effet, pour vendre un produit, la publicité peut banaliser la sexualité, se servir de stéréotypes sexuels, utiliser le corps féminin, même pour vendre de la sauce tomate. Donc, dans les campagnes publicitaires, il avait même recours il n'y a pas si longtemps à de la porno chic, donc une tendance qui consiste à reproduire des images pornographiques, même d'inspiration sadomaso là, dans les années 2000, pour augmenter les ventes. Le porno chic place les femmes dans des situations de soumission, tandis qu'il valorise la domination et la performance masculine. Donc, montrer en gros plan les jambes, des seins, les cuisses renforce l'idée que les femmes sont des objets sexuels et non des êtres humains à part entière. De façon générale, cette tendance augmente la tolérance d'une certaine forme de violence envers les femmes, ce qui est inquiétant, Valérie, ce qui pourrait même accroître les risques d'agression sexuelle. Il va sans dire que le phénomène nuit fortement à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. La sexualisation de l'espace public habitue la population à des représentations stéréotypées et irréalistes des femmes. La séduction et la recherche d'attention résument souvent le rôle qui leur est attribué. Elles sont aussi soumises à une forte pression pour être sexuellement actives et attirantes. Mmh. Voilà tout le problème. Mmh, oui. Ouais. Puis en 2022, il semble qu'on soit un peu plus critique envers les images qui nous sont proposées dans l'espace public, mais il y a tout de même des impacts certains, notamment en ce qui concerne tout ce qui concerne ce qu'on considère comme étant la norme de la santé, de la beauté. La beauté, de la santé, ouais. c'est lié. Hein. Effectivement, ouais. Conditionnées à plaire trop tôt, les jeunes filles vont voient parfois les parents survaloriser leur apparence, ce qui n'est pas sans conséquence. Plus de 40% des adolescentes canadiennes de niveau secondaire seraient insatisfaites de leur image corporelle et voudraient en conséquence le modifier. Les troubles alimentaires ne sont pas en croissance pour rien. 80% des femmes suivront un régime avant l'âge de 18 ans, ce qui peut déclencher des problèmes alimentaires encore plus graves. Ah ouais, déjà, avant l'âge de 18 ans, il y a autant de jeunes filles qui suivent des régimes alimentaires, déjà, qui ont une certaine image de leur corps qui ne leur plaît pas, qui veulent la modifier. Exactement. Donc, on pense que ça peut aussi se poursuivre dans le temps et avoir des problèmes beaucoup plus graves comme l'anorexie mentale, par exemple. Ouais. Donc, comme on peut le constater, le phénomène a façonné une norme socio-culturelle de beauté dont on souhaite s'émanciper en 2022, hein, de la femme est blanche, mince, avec des lèvres pulpeuses, des cheveux longs, une poitrine généreuse. L'homme incarne la force, l'énergie, la domination et l'impressionne par son indépendance, son goût à l'aventure. Dans les publicités, pectoraux musclés, épaules larges et visage impassible. Donc, pourtant, ces modèles véhiculés dans les médias ne reflètent pas la réalité. Hein, moins de 5% des femmes ont naturellement une silhouette semblable à celle des mannequins. Et maintenant, les modèles changent un peu. On est davantage sur Kim Kardashian qui est différente, mais quand même, c'est un modèle de beauté qui ne reflète pas tout le monde. Oui, mais justement, c'est que ces modèles sont quand même véhiculés par toutes les publicités, etc. Et tous ces 95% qui n'ont pas ce modèle-là, vous cherchez à l'atteindre. C'est ça, c'est là qu'il peut C'est y avoir, malheureux. c'est là qu'il peut y avoir un impact parce que beaucoup de personnes vont se sentir visées peut-être par ces publicités. Donc, quels peuvent être les effets de la publicité donc dans la population générale, mais sur les jeunes en particulier? C'est ce qui est intéressant de mentionner, hein, c'est que c'est l'industrie de la publicité qui a tendance à cibler les jeunes de 8 à 14 ans pour trois grandes raisons. Parce qu'elles continuent souvent à consommer les mêmes marques à l'âge adulte, consultent plusieurs sources d'informations, surtout les médias numériques, et ont plus d'argent que les jeunes des générations précédentes. Donc, une clientèle potentielle et fidèle. Depuis, les marchés de la mode, des cosmétiques, la musique, le cinéma visent particulièrement les jeunes filles par des produits qui leur sont réservés. Entre parenthèses, par exemple, les grandes compagnies, mais qui font un rouge à lèvres fruité pour les enfants, des accessoires de coiffure, de manucure, des vêtements séduisants, même des sous-vêtements sexy à une certaine époque pas si lointaine. D'ailleurs, nos vedettes d'Instagram peuvent le faire également avec des marques pour femmes qui sont éditées là, pour leurs toutes petites filles. Même naissante. Donc, rappelons que la sexualisation de l'espace public est un phénomène social, ce qui veut dire que on doit critiquer les influences sociales, culturelles et médiatiques, et non pas les jeunes filles et les femmes elles-mêmes. Puis je trouve que c'est un point important là, de considérer que c'est vraiment un phénomène social, culturel et médiatique, comme tu le dis. Et à propos des jeunes filles, je me demande même si du coup elles n'en sont pas un petit peu victimes de ce système parce qu'elles n'ont pas tellement de moyens de défense contre ce système-là. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on leur propose, c'est ce qu'on leur Ah vend. oui? Auparavant, on culpabilisait les jeunes filles plutôt sexy. Tu sais, quand on parle d'hypersexualisation, on visait les filles, alors que maintenant, on est critique de la société et on critiquait les femmes. Rappelons-nous, dans les années 2000, pensons à Britney Spears, qui en a hypersexualisé et qui a influencé là, des millions de jeunes filles. Donc, en étant entourée de ces images hypersexualisées, mais aussi en étant entourée de poupées, de princesses, dont c'est la qualité première de la beauté, les filles apprennent très tôt à miser sur leur apparence. C'est pourquoi c'est important de diversifier les influences. Évidemment, les jeunes ont droit d'aimer ce qu'ils veulent, mais en tant que parents, c'est bien de pouvoir varier là, les influences et les inciter surtout à avoir un regard critique sur ce qu'elles voient et entendent. Mais Puis, ça, il y a un ben, rôle des parents alors là-dedans, parce que justement, les parents leur montraient, c'est peut-être les parents eux-mêmes qui apportent ces images-là aussi, donc il y a peut-être un rôle des parents, mais les parents aussi sont dans ce même système. oui, il faut diversifier et les marchands ne nous rendent pas la tâche très facile. De plus en plus, c'est diversifié, mais lorsqu'on va dans les grandes surfaces, on vend quand même des items, là, des faux ongles pour petits-enfants. Ça existe, certains les achètent. Donc, c'est assez intéressant. Puis, quand on se projette encore plus loin dans le temps, quand on regarde dans le temps ou dans le passé, Barbie a parlé pour la première fois en 1968. Elle avait six phrases à son répertoire, dont celle-ci: J'ai une date ce soir et comme j'aimerais être mannequin. Donc, en 92, elle disait, elle tenait encore des propos stéréotypés. Elle disait, les mathématiques sont difficiles, ce qui est très problématique, et j'aime magasiner et allons au bal. Donc, tu vois le climat social dans lequel on vendait ces objets. Et plus de 56 ans après l'apparition de Barbie, dont les mensurations ne correspondent pas à celles d'aucune femme sur Terre, les nouvelles Barbie sont maintenant rondes, petites, avec des cheveux frisés au cou, la peau noire, les yeux bridés. Donc, toute la ligne comprend maintenant près d'une dizaine de morphologies différentes. Mais il est à noter que, il y a un changement quand même social. Donc, c'est à la suite d'un recul des ventes que cette nou nouvelle direction a été prise par l'entreprise. Voilà. Donc, au Québec, la publicité à but commercial destinée aux enfants de moins de 13 ans est interdite. On vous invite à visiter le site web de l'Office de la protection du consommateur. Notons que chaque jour, les enfants sont tout de même exposés à des centaines de publicités. On dit allô aux réseaux sociaux et à YouTube, et qui influencent bel et bien leur perception de leur corps et de leur sexualité. Exactement. Et en conclusion, Julie, face à toute cette réflexion. Ben, la mode est un réel reflet de notre société, Valérie. On pense qu'ensemble, on peut remettre peu à peu en question le modèle de beauté unique pour une réelle inclusion et de la diversité. Je vous laisse sur une réflexion de Madeleine Goubeau, qui est chargée de projet à l'École supérieure de la mode de l'Université du Québec à Montréal. Madame Goubeau nous dit que le défi à relever pour le géant de la mode reste l'inclusion au sein même des entreprises. Donc, je la cite en terminant, « Quand on regarde à la tête des grandes compagnies de mode, quel est le type de dirigeant? Ce sont majoritairement des hommes blancs. Là où l'inclusion aura une réelle importance, où elle aura un pouvoir de changement, c'est là où c'est moins évident. Donc, ce n'est pas tant dans les publicités, pas dans les produits, mais là où les gens prennent les décisions. Et ça, ce n'est pas encore acquis. Donc, qu'en dites-vous? Oui, sur effectivement. Ça se passe peut-être là-haut déjà aussi. Ben oui, attendons de voir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et une bonne réflexion aussi. Alors, merci beaucoup, Julie. Merci, Valérie. Je rappelle que nous étions en compagnie de la sexologue Julie Rouleau. Ainsi prend enfin Futur Simple, mais votre magazine de découverte scientifique vous revient la semaine prochaine. Il sera sans doute question de géologie sociale. Et pour le moment, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de votre antenne favorite, CKRL 89.1. disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule. Que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà quand la vie vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés, elle est là, telle une déesse gardienne, attroupant les solitudes par centaines. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui, comme l'enfant, nous tend la main pour mieux tordre le cou. Oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géants, tout petits nous sommes. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, le bleu du ciel est plus bleu que celui des autres. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour. Amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les âmes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui, comme l'enfant, nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géants, tout petits nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni. Sachant combien même géants, tout petits nous sommes. D'église où j'entre le matin, le chapeau à la main. T'es la voix Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Ou c'est du caraco, le rubis d'un mégot? Après tout, peu importe où j'allume ma clope, au premier feu du jour ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Sur tes lèvres, Louise, les miennes sont assises. Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe. Tes lèvres, Louise, crois-tu ce qu'elles me disent? Où cette basilique est un kiosque à musique?